La délégation de l'Association générale des Coréens en Chine, ayant participé à la cérémonie de commémoration du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, a adressé le 19 décembre une lettre au maréchal Kim Jong-un. La lettre note entre autres: lors du rassemblement au niveau central pour commémorer le 5e anniversaire du décès du camarade Kim Jong-il, tenu sous la participation du maréchal Kim Jong-un au Palais du Soleil de Kumsusan, nous étions très émotionnés à la vue du portrait en sourire du général père exposé au-dessus de la tribune d'honneur, car cela nous rappelle ses rudes inspections de Sun Gun empruntées toute sa vie avec son unique vêtement ouaté modeste qu'il a porté jusqu'à la fin de sa vie, ainsi que l'avenir splendide de notre patrie transformée en puissance mondiale par le grand dévouement de sa vie sacrifié comme une bougie. Au cours des cérémonies, nous étions très étonnés de la réalité actuelle de la patrie, remarquablement développée hors d'imagination en 5 ans seulement, sous la direction extraordinaire du maréchal Kim Jong-un. Nous souhaitons sincèrement santé au maréchal Kim Jong-un, destin des 80 millions de Coréens, soleil brillant de la nation Kim Il-sung et de la Corée Kim Jong-il, et père affectueux des compatriotes d'outre-mer.